ta mère. On juge pas au style vestimentaire. Ce qui manquait c'est la sincérité, tous ces bêtes ils mentaient. Sache qu'on vit la mer, c'est triste sa mère. J'ai soif de vengeance, tous les soirs il faut que je vide la tête. En crise d'alcool, je pète des pare-brise, l'état de brise, à cœur si honneur. Une connexion vient de s'établir, faut que je me téléporte. Moi j'en ai marre de faire téléphone. J'écris mes peines, mes joies sur mon téléphone. J'écoute personne, même si le roi m'appelle. J'avoue que je vends à perte, j'dis pas que tout peine puisque je noie ma peine. Putain je ressens un manque, c'est dur de perdre un membre. J'écris ce que je vois, ce que je pense dans mon testament. Je pèse la meuf qui vient de Varsovie, je te pars de vie, le foie se remplit. C'est pour ça que chez moi le bar se vide. Y'en a qui kick, ça les peu connus, plein que j'apparais, la galère est pareille, même si t'es pas de la même commune. Les gars ça crache, je me souviens plus d'hier. J'ai mal au crâne, mal au bide. Et puis mes fringues, elles ont chopé l'odeur d'une poudrière. Passe-moi une clope ray, un putain de bordel. Mais merde c'est qui le conquer qui j'ai dans la corbeille. J'suis dans un autre rêve, j'vidais les tables. Encore pété de la veille, j'crois que c'est pour ça que la terre tourne. J'suis plein, j'vous emmerde tous, me cassez pas les couilles. J'suis à jeun, c'est comme te dire que j'ratais pas les cours. J'ai la gueule de bois, il faut que j'arrête de boire. Et j'suis plein mort mais j'vais pas passer pour la bête de foie. Et là j'ai peur de voir, on reflet dans la glace. Bloqué dans l'impasse, nique une taille mais j'boirai pas la tasse. J'ai pas raté la passe, et j'vais coucher tes potes. Faut que j'me téléporte, café clope et j'vais bouger des chiottes. J'rappe mes torts, mes vices, mais nique sa mère. Le binôme les salmons, on rappe pas les fesses à l'air. Qu'est-ce que j'vois, mes galères, faut que j'ai une prise de poids. J'me sens bête seul pendant que j'dégueule, j'vois ma crise de foi. En mode ressoir, rien à foutre si j'fous le smol ce soir. J'ai l'habitude, demain c'est sûr, j'aurai la gueule de bois. Qu'est-ce que j'vois, mes galères, faut que j'ai une prise de poids. J'me sens bête seul pendant que j'dégueule, j'vois ma crise de foi. En mode ressoir, rien à foutre si j'fous le smol ce soir. J'ai l'habitude, demain c'est sûr, j'aurai la gueule de bois. Encore une fois, là j'me lève avec la gueule de bois. J'lâche des punch, des droites, si t'es punch, ta gueule j'te dois. À chaque mesure, j'vois la bouteille qui diminue. J'me prends pas la tête, j'gratte ce texte en 10 minutes. J'avais un rêve, mais la pédave, les vases dégage, les classes, j'écrase les nages, m'écarte des traves, des glaces, les tracks. Les faux MC font du bruit, mais ça pique pas. Les meilleurs conseils qu'on donne, c'est ceux qu'on applique pas. Insomniaque, yor, j'arrive pas à fermer l'œil. La vie m'a pris des proches et j'arrive pas à faire le deuil. Inspiration à base de Jack Daniel, ça Jacques derrière avant de parler. Rapper dans les temps, ouais, faudrait que Jack t'apprenne. J'ai le bonheur à portée de main, mais j'le reporte. Mais j'le reporte. Toujours le même du 12 ans d'âge en guise de meilleur pote. Regarde pas derrière, à présent j'trace les regrets sans tasse. Mais j'oublie tout avec du trésor d'âge. J'me lève, le seul souvenir c'est ce concert où j'enchaîne mes sons. Putain, mais qu'est-ce que j'fous dans mon ancienne maison. J'me regarde dans la glace, drôle de visage. À côté de moi y'a une gerbe en forme de pizza. J'ai mal au crâne mais resserre-moi, nourri à l'alcool fort. Faut du gasoil avant de finir comme un passe-voile. J'ai la gueule de bois, pire qu'un ébéniste en plein tas. C'est à la vodka frère que je bénis ma syntaxe. Donc arrêtez de bitonner. Dis-toi je récite ses faces dans ma tête chiffonnée. Yo, mon estomac crache un Jurassic là. Je fume ma rise là et puis je me crois dans Jurassic Park. Sur du Wu-Tang Clan, j'suis prêt à remettre la même, y'a une bouteille pleine. Ouais j'ai soif de gloire mais j'en ai marre de boire. Y'a un tas de personnes que j'veux pas voir ce soir. Qu'est-ce que j'vois, mes galères, faut que j'ai une prise de poids. J'me sens bête seul pendant que j'dégueule, tu vois ma crise de foie. En mode ressoir, rien à foutre si j'fous le smol ce soir.